cathédrale avec ses tours. Oh là là, cathédrale de Paris. Oh là. Sur les bords de la Seine, au milieu des sept îles parisiennes, se dresse ces monuments historiques. Cathédrale de Paris, avec ses tours fantastiques. Je me souviens de cette nuit où j'entendais les sons des cloches. C'était vers minuit et tu as mis une rose dans ma poche. C'était dans la cathédrale de Paris. Je t'attendais devant cette galerie qui mène vers des grands tours. Et là, je chantais comme un troubadour. Là, sous les ponts de Notre-Dame, tout autour, je vois des grandes tours. Oh Paris, la merveille avec ses faubourgs. Viens vite voir ma belle Larita Bambita. Je me souviens de cette nuit où j'entendais les sons des cloches. C'était vers minuit et tu as mis une rose dans ma poche. C'était dans la cathédrale de Paris. Je t'attendais devant cette galerie qui mène vers les grands tours. Et là, je chantais comme un troubadour. Thank you.